À quoi doit-on s'attendre au jour d'aujourd'hui, président Mandakaï? Parce qu'il faut dire que c'était fort. La réponse malienne était très forte. Est-ce qu'on va retomber dans un cycle de sanctions du côté du Mali une fois que ces derniers seront de retour de New York? Le premier ministre était clair qu'on attend les sanctions. Nous ne sommes pas impressionnés par les sanctions. Non, je pense que il y a des choses qui ont été dites dans ce discours qui méritent qu'on s'y attarde. Les uns les autres ont démontré sa portée générale, sa portée géopolitique générale. Pour la première fois, quelqu'un a demandé à l'ONU de faire le bilan sans complaisance de la vieille ère. Vieille ère caractérisée par la domination et la prédation de ressources. Domination sauvage, pas la violence, pas la sauvagerie, qui s'est soldée par un ensauvagement total du monde. C'est le contraire qui aurait surpris quand on connaît que ceux qui ont gagné la communauté internationale autoproclamée est une communauté de petits sauvageons, de sauvages. Donc on n'est pas surpris que le monde ait été ensauvagé. Il a donné deux conditions pour la nouvelle ère, pour l'ONU. Première condition, celui qui dit à l'air, et c'est clair, Effectivement. il dit que ça sera œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un nous insulte, nous allons répondre. Quelqu'un tire une balle, nous on tire aussi. Deuxième condition, monsieur le secrétaire général, au lieu de sortir de vos prérogatives et de vous devenir fou comme vous l'êtes, concentrez-vous sur l'essentiel. Faisons le bilan sans complaisance de la vieille ère qui est en train de passer. Ce bilan, c'est un échec sur toute la ligne de la part de l'ONU. Échec cuisant, on dira. Cuisant. Je ne reviens pas sur sa déclaration des droits de l'homme. Quand il dit que tous les Maliens, chaque Malien incarne les droits de l'homme, et en convoquant la charte de Kourougan-Fouga, oui, Kourougan-Fouga, oui, en appelant ça, pour dire que nous on a constitutionnalisé les droits de l'homme, quand on n'imaginait même pas un jour que l'ONU allait exister. Donc vous ne savez même pas de quoi vous parlez. C'est une affaire qui vous dépasse. Chaque Malien incarne ça en lui. Donc taisez-vous. Donc, je pense qu'il faut inscrire ce discours si on veut bien le comprendre. Si on revient dans le contexte africain, parce que c'est un discours de portée générale, en même temps avec une portée locale, avec des portées particulières, à tout point de vue, c'est un discours global qui a résumé toute la situation du monde. Mais si on revient sur le cas précis des relations avec la France, ce discours intervient dans quel contexte? Il faut bien comprendre cette affaire. Vous avez observé que M. Macron, depuis sa prétendue tournée africaine, a engagé un redéploiement de sa politique africaine. D'abord, son discours aux ambassadeurs est clair. M. Macron a déclaré la guerre. Il a demandé d'être plus agressif. Il va accélérer la guerre cybernétique. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour détruire le panafricanisme. Et l'axe de ce discours, de ce redéploiement de M. Macron est centré sur un revirement stratégique. Présenter la Russie comme un impérialisme. Et la France comme un État qui dénonce l'impérialisme. C'est d'ailleurs le deuxième sujet. Faut voir la pirouette du petit garçon de l'Élysée. Il croit qu'il est intelligent. Quoi qu'on ne le voit pas, il croit qu'il est intelligent. C'est-à-dire que l'impérialiste dénonce l'impérialisme pour effacer son impérialisme et créer autour de lui une cour de petits rêveurs africains qui vont croire que, non, à qui il va donner du grain à moudre. Mais, au cœur de cette démarche, dit M. Macron, c'est la façade, le discours, c'est la façade. Mais au cœur, il y avait un plan. Le plan global était l'assassinat du président Poutine. Une fois Poutine assassiné, on désorganise toute la résistance mondiale. Et du coup, on va tuer Assimi Goïta. Il n'est pas le seul dans le plan. On va tuer Touadéra, assassiné. Et on va déstabiliser le Cameroun. D'ailleurs, on a nommé ambassadeur un petit général qui croit qu'il va nous effrayer. On va enlever ses galons. Faut pas tout dire maintenant, président Non, Mandakaï. je n'ai rien Faut dit. réserver un peu pour le J'ai deuxième seulement sujet dit, oui, j'ai seulement concernant dit. l'assassinat de Vladimir Non, Poutine. j'ai seulement dit qu'on va enlever ses galons. Le petit général qu'on a envoyé au Cameroun. Là. Nous, on sait pourquoi il est là. Nous savons pourquoi il est là. Il est là pour assassiner Touadéra et déstabiliser le Cameroun. Nous, on connaît. Je dis à mon devisant, non. Je vous dis une chose. Quand Macron s'est réuni en France, on est là. Bon, ils entendent parler, non. Et ce qu'il dit est vrai. Tous ces plans qu'il fait, comment on fait pour être au courant? C'est pour ça qu'il tremble. Quand il fait une réunion, on est là. Même quand il est seul dans sa chambre, on est en lui. Donc, vous me comprenez? Nous sommes dans Macron, on est en lui. Quand il pense à tout, nous, on connaît. Bon, ils sont en train de donner le plan, non? Dans le plan monde de vision. Et c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Donc, il a commencé son offensive, discours aux ambassadeurs, offensive en Afrique, il mobilise ses réseaux. Activer le réseau France Monde, France Média Monde. Le petit écrivain qu'on appelle la Chine BMB a des fonds pour corrompre les gens au nom de la démocratie. J'espère qu'il va, il viendra te rendre visite. On va sortir rapidement, président. Non, non, non, ici c'est sérieux, ici c'est sérieux, je parle avec vous. Ici c'est sérieux. Non, mais on dit qu'on a des fonds pour corrompre les gens et tout. Le plan était ça. Dès qu'il parle du Cameroun, sa visite du Cameroun est le début de ce plan. M. Macron, ils ont leur plan. Cette offensive, ça a échoué. Alors, quel était le plan? Un, tout ça, un objectif, détruire le panafricanisme. Bon, Macron l'a dit ouvertement. Oui. Maintenant, le débat est clos. Il a dit, quand nous en parlons avant, il a dit ouvertement. Un, la corruption, je viens de le dire, le fonds pour la démocratie, qui est un moyen parmi d'autres moyens. La cyberguerre, c'est-à-dire investir les réseaux sociaux, faire censurer les contenus panafricanistes et faire la promotion des contenus mondialistes. C'est ça que ça veut dire. Et la corruption de l'UMB, donner de l'argent à la fausse société civile pour le tenir, pour continuer à faire le travail dans les pays, et consiste à recenser ce qu'ils appellent violation des droits de l'homme. À dire qu'il n'y a pas de route ici, il n'y a pas telle route trouvée, il n'y a pas de route ici. C'est leur travail, on les paye à la fin du mois pour ça. C'est un nouveau travail qu'ils ont trouvé. Donc l'argent, c'est dans les mains d'Achille Mbembe. Voilà le nouveau travail d'Achille Mbembe. Voilà le nouveau démocrate de Macron. Le deuxième enjeu, c'est manipuler la mémoire, le plan, la mémoire. Et je donne un cas précis. Alors nous parlons. Le président Kagame du Rwanda se mord les doigts. Je vous donne l'information. Hein. Et il m'écoute quand je parle. Kagame se mord les doigts parce qu'il allait collaborer avec Macron pour trafiquer la mémoire et croire que ok, on fait la paix. Alors je parle, je ne dis pas tout sur un plateau, hein, mais alors je parle. Monsieur Kagame est en train de voir qui est Macron. Comment ces gens-là fonctionnent. Si tu veux marcher avec Macron, il faut avoir une très longue cuillère parce qu'il est l'enfant du diable. C'est le fils du diable. Il faut avoir une très longue cuillère. Voilà pourquoi Poutine a dressé une très longue table entre les deux. Non, non, non, non, il faut comprendre. Poutine n'est pas un enfant. La table historique, là, qui est longue là, il savait qu'il a affaire à Satan. Donc la table doit être très longue. Paul Kagame, le président rwandais, allait s'asseoir avec une table courte. Alors je vous parle. Les relations sont. Alors je vous parle. Kagame est en train de mesurer le danger qu'il y a à laisser Macron farfouiller dans la mémoire des peuples. Parce que toi, tu vois que c'est un petit jeu, mais lui, il est en train de farfouiller dans la mémoire de ton peuple. Il est en train de faire des choses compliquées. Vous avez vu donc, au niveau du Cameroun, ce petit voyou est venu dire que non, il faut une commission mixte France-Cameroun pour qu'il soit du Cameroun. Ils sont malades. Donc nous, on va s'asseoir avec Macron pour qu'il soit du Cameroun. Il n'y a pas de commission mixte. Le Cameroun a commencé à qu'il soit le Cameroun. Une commission a été créée par le président de la République. Ça fonctionne déjà pour qu'il soit le Cameroun. Ça fonctionne. On n'a pas attendu un petit garçon qui ne connaît rien dans l'histoire du Cameroun. Mais il dit qu'il va s'asseoir en faire commission mixte. Commission mixte de quoi? Qui t'a fait ça avec Paul Hippot? Ou l'ambassadeur va s'asseoir là-bas pour aller trafiquer à mémoire de Oum Niobe avec un faux discours. Ça fait pitié, Guilou. Ça fait pitoyable. Pitoyable. Il n'y aura pas de commission. Même si ça existe, ça a nul essence de fait. On ne connaît pas ça. Nous, on ne peut pas s'asseoir avec un petit garçon comme ça, un perdu, pour écrire l'histoire du Cameroun. Impossible. On n'écrit pas l'histoire de la culture avec le bourreau. Non, non, non, non, non. C'est tout. Nous allons écrire notre histoire nous-mêmes. Et ça a commencé. Que le Cameroun continue sa voie. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils font ça. Vous vous asseyez avec ces gens pour trafiquer la mémoire, vous êtes mort. Pendant que vous trafiquez la mémoire, ils font autre chose. Et je répète encore, avec le mandat président de Rwanda, il est en train de voir ce qu'ils sont en train de dire. Il est en train de voir ça aujourd'hui. Il complète ce que je suis en train de dire. Vous avez la déclaration de guerre dans le plan. Nomination du général comme ambassadeur. Comme ambassadeur. On dit que c'est pour le. On dit, bon, l'info que nous avons, que c'est pour la Centrafrique. Non, c'est faux. Centrafrique et Cameroun en même temps. C'est pour ça qu'il est là. Bon, ce petit barbouzard, on va le neutraliser. Il aime déjà neutraliser. Parce qu'il ne sait pas ce qu'on a mis dans ses cuisses. Je dis, hein, le petit général, là, il ne sait pas ce que nous avons mis dans ses cuisses. Donc, bienvenue. Comme nous avons déjà accueilli le petit ambassadeur américain, là, qui venait nous vendre son côté PD. Il n'y a pas de... Il y a pas ça, qui l'a bien sorti de ça, il n'y a pas ça ici. Cette saleté-là, ça n'a pas de place ici. On les a à l'œil, les deux. Parce que nous savons qu'ils vont collaborer. On les a à l'œil, les deux. Voilà. On a mis les choses dans leurs cuisses. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, vous, l'autre plan, c'est opposer les panafricanistes entre eux. Vous avez vu RFI et Jeune Afrique. On va nous opposer à Nathalie Yam, Kémy Séba, pour qu'on s'insulte, machin et consort. Le petit jeu de Paris, qui fait ça? Un petit François Soudan. Qu'est-ce que ça dit vraiment? Ça dit, c'est pas possible. Le monde est à l'envers. Il y a un Tintin comme François Soudan. Le fait d'aller prendre l'argent, ça se fait ça te fait. Tu dis quoi, tu es qui? On te connaît. Quand on fait les choses sérieuses, si on parle des rats comme François Soudan, c'est un petit rat. François Soudan. Et ça rejoint ce que tu as dit à l'entame. Il faut faire attention avec des branches du panafricanisme qui se créent. Mais bien sûr! Faites très attention. On veut faire les oppositions africaines. On appelle ça opposer les africains. Je veux dire pour mieux régner. Aujourd'hui, on fait la promotion de Talon en haut. On dit que c'est toi, machin et consort. Ils allument ça. Et les petits enfants qui sont immatures vont tomber dans le piège. Ça n'aura pas, il n'y aura pas de combat entre les panafricanistes. On se connaît. On sait qui est qui. On sait qui n'est pas qui. On se connaît. Ça n'aura pas lieu. Vous avez donc à lui opposer juste ce jeu-là. Et enfin, le dernier levier, c'est l'assassinat du président Touadéra et de la Sémi Goïta et le retournement de Mahamat Debi Inno, déstabiliser le Tchad. Ça a commencé. Le ministre des Affaires étrangères a démissionné. Allez voir les termes de sa démission. Mais ce n'est pas tout. Donc, alors, vous savez que c'est déjà le déstabilisé qui est déstabilisé, toute l'Afrique centrale. Est-ce que vous le savez? Oui. Effectivement. Alors, ça s'appelle géopolitique du chaos. C'est élémentaire. Le chaos. Donc, c'est dans ce plan général qu'il faut inscrire le discours du ministre, du Premier ministre qui maintenant répond à Macron, le remet à sa place. Parce que le plan a échoué. Un, Poutine n'a pas été tué. Ça a raté. On va revenir sur les détails. Voilà. Donc, quand le Premier ministre du Mali attaque, il n'attaque pas, réagit et remet la foi à l'appelant la junte française. La junte française. C'est très important. Et nous devons continuer à les appeler comme ça. C'est le nouveau nom de la France. La junte militaire. Et moi, j'ajoute criminelle française. La junte française. Quand il sait de quoi il parle, effectivement, c'est une junte. Il n'y a pas de débat. C'est une junte. Les pratiques de la France en Afrique démontrent qu'on a fait un junte militaire. Si les Français croient que le pays est une démocratie, ils vont mourir avec ça. C'est leur problème. La France, c'est un régime militaire. Quand en France, M. Macron déclare la guerre, il ne demande l'avis de personne. Moi, je vous dis, quand Macron décide qu'il va assassiner un président africain, il fait un référendum en France pour ça. Il fait un référendum. Vous savez les conséquences de tuer un président étranger? Vous mesurez les conséquences? Quand vous tuez un président étranger, vous déclenchez la mort de millions de personnes. Vous déstabilisez un pays. L'État français est spécialisé dans l'érection de l'assassinat des chefs d'État étrangers au niveau d'une politique d'État. Vous ne parlez pas avec un tel État, bon sang. Enfin, l'Afrique se réveille. C'est fini la langue de bois. C'est terminé ça, la langue de bois. Depuis hier, l'ONU, c'est fini. C'est la langue de vérité. Chat, chat. Chien, chien. C'est ça qu'il s'agit. Donc, quand un État se comporte comme l'État français, à tout point de vue, c'est une junte. On va sortir par là, président. Attendez, je suis en train de sortir, oui. Attendez. La junte française, là, c'est pas un petit mot. Quand il dit que c'est autorité française, profondément anti-française, il a raison. Parce que tous les dirigeants français, depuis des siècles, trahissent les prétendus d'idiots qui font la France. Les Lumières. Bon, on peut appeler ténèbres Lumières, peu importe, hein. Ouais. On s'en fout que les Français appellent les ténèbres lumière, c'est leur droit. Mais je dis que même les ténèbres appellent lumière, là, leurs dirigeants trahissent ça. Ils trahissent ça, de toute l'histoire, ils trahissent ça. C'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est le néocolonialisme, l'assassinat des présidents, c'est le pillage des monnaies, des trésors des pays, c'est les assassinats. Mais toute la politique française à l'étranger, ce sont les ténèbres. Le Premier ministre appelle ça l'obscurantisme. C'est pas une injure. Il décrit la réalité des pratiques françaises sur le continent africain. Alors, vous voyez comment un homme est tellement perfide et tordu, comme le petit garçon de l'Elysée, il dénonce la présence militaire russe. Il a le courage de ne pas voir les bases militaires françaises dans l'Afrique. Vous appelez ça quoi? C'est un oubli? C'est pas un oubli. C'est un malade mental, c'est tout. C'est un déréglé. On va rester courtois, président. Moi, courtois avec qui? Vous voulez nous ramener à l'arrière? Courtois avec qui? Je veux chuter par deux choses. Vous allez voir si c'est courtois. Courtois avec qui? Quand quelqu'un organiser, n'est-ce pas, la mort d'un continent. Vous demandez qu'on soit courtois avec lui. Non. Quand il dénonce les bases militaires russes, encore que bon, son inculture politique l'amène à confondre tout. Il sait pas ce qu'il appelle l'impérialisme. Il pense qu'il suffit de dire impérialisme et ajouter Russie. pour que la Russie soit un État impérialiste. Il pense que ce qu'il dit, ce qu'il pense, c'est la vérité. Il nous dit aussi comme ça. La Russie a toujours été anti-impérialiste. Mais que c'est depuis la nuit des temps. Mais c'est l'idiot aussi provenant d'un idiot. Oui. Vous avez pas les mots. Ouais. C'est un idiot. Restons courtois, président. Il n'y a pas le courtoisie avec lui. Il dit quelqu'un qui pense que être impérialiste, il dit que la Russie est impérialiste. Et que, dès qu'il a dit, les Africains vont croire à ça. Bembe va croire à ça. Bembe, c'est son chien. C'est sa femme, non? Oui. Tu as tout dit. Maintenant. C'est sa femme. Dès qu'il dit un truc, même celui. Mais les Africains, il y a longtemps que. Qui écoute Macron en Afrique? Il a vu à l'ONU, non? Ça l'était vide, non? Qui écoute Macron en Afrique? Qui, ma fille, écoute Macron? En nom de ses valets, de ses fameux-là qui traînent partout. Qui l'écoute? Donc, venons nous dire que la Russie, elle était impérialiste, imposante militaire, et ne pas voir la présence pluricentenaire des armées françaises en Afrique. Bon Dieu, il n'y a qu'une junte militaire pour faire ça. C'est une junte militaire. Je te chute par deux choses. Je viens même passer le cas du secrétaire général. Bertrand a parlé de ça. Mais je pense que tout le monde l'a compris. C'est que depuis des mois, je n'essaie de dénoncer ici, à savoir qu'on n'a pas fait un secrétaire général, on a fait un délinquant diplomatique. Il y a longtemps que j'écris ici depuis deux mois que Guterres, c'est un délinquant diplomatique et qu'on devait le chasser de son poste depuis très longtemps. Parce qu'il y a longtemps qu'on a pu faire un secrétaire général de l'ONU, on a fait un agent de l'OTAN. Alors on choisit. Ou un agent de l'OTAN, ou le secrétaire général de l'ONU. On lui a rappelé, il n'est pas un chef d'État. Avoir rang de chef, je ne veux pas dire que tu es chef. Parce que quand tu es chef, on ne dit pas que tu as rang. On dit que tu es chef. Quand on dit que tu as rang, c'est qu'on t'a fait un cadeau. On peut te considérer comme tel, donc tu as rang. Tu n'es pas un chef d'État. C'est un secrétaire général, c'est-à-dire un écrivain. Il fait les rapports, il vérifie si les rapports sont authentiques. Voilà son rôle. Il coordonne le fonctionnement là-bas administratif de l'ONU. C'est tout. Voilà un monsieur qui se prend pour... Il décide de d'entrer la justice malienne parce que dans sa tête, c'est un pays africain, ce sont des nègres. Il peut aller faire ça à Lisbonne, son pays d'origine. Il peut faire ça ailleurs. Alors un petit tintin comme ça, il faut le ramener à sa place comme ça a été fait. Un petit délinquant, c'est un voyou, Guterres. Il y a longtemps qu'il a violé ses prérogatives. Mais oui, un des problèmes de l'Afrique, c'est quoi? C'est que nous continuons à devant nos bourreaux, à avoir la langue de bois, à adorer le bourreau, à ne pas chercher à l'énerver parce qu'on estime que bon, Dieu va toucher son cœur et il ne sera pas bourreau. Ça n'existe pas. Dieu ne touche pas le cœur des bourreaux. Arrêtez ça. Ça n'existe pas. Un bourreau, tu l'appelles bourreau. Point. C'est un bourreau. Guterres, il y a longtemps qu'il a violé ses prérogatives à Mondovision. Depuis sa venue ici au Mali, où il est venu dans le Sahel, où il est venu dire qu'il faut qu'on arme, il faut que la communauté internationale arme le Niger, il était sorti de son rôle secrétaire général. Il a fait lors du Covid, les Africains ont laissé. Il a fait deux fois et il a récidivé. Et il vient encore de le faire sur le cas de 49 mercenaires. Il est qui? Il parle quoi? Il est qui? Il a dit, mais qui gère sa mafia tranquillement? Il n'a pas dit. Il est qui? Ça le concerne à quoi? Ça le concerne à quoi? N'arrive pas à discipliner sa MINUSCA en Centrafrique. Partout où il place, il viole les filles, ils arment les rebelles, ils pillent les ressources tous les jours en Centrafrique. Alors là, vous voyez ce qu'ils font. Des scandales matin, midi, soir, qui sont mis sur le tapis de l'ONU. Allez voir tous les audits commandés dans la gestion de l'ONU. C'est l'organisation la plus corrompue au monde. Et son secrétaire général, au lieu d'aller faire les rapports et de faire ce qu'on lui dit de faire, il vient s'amuser, baba, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Donc, nous devons être très contents qu'il ait été mis à sa place. Donc, il y a deux choses qui se dégagent. Je vais terminer par là. Wafo. Première chose, c'est quoi? C'est que, un, la sortie de M. le Premier ministre démontre que le Mali a compris qu'il est en guerre. Ça fait six mois que je le dis. Que le Mali ne sera pas en paix tant que Ouattara sera au pouvoir. Arrêtez de vous mentir. Le Mali ne sera pas tranquille tant que Bazoum et Ouattara sont au pouvoir. Le tueur du Ghana, là, le vieux qu'on veut respecter, mais qui fait comme un enfant de 2 ans, là, Nana Akudo, là, c'est un petit tintin. C'est pas grave. Lui, c'est pas ce qu'il gère avec Macron. Il est corrompu, là, ils ont leur business avec Macron. Mais les deux-ci, Bazoum et Ouattara, tant qu'ils sont au pouvoir, le Mali ne sera pas à paix. Donc la condition de la paix au Mali, c'est le renversement de Bazoum et de Ouattara. C'est-à-dire que si ce n'est pas opérationnel, tout ce qu'on fait là, c'est le babadage. Donc, la condition, c'est quoi, non? Oh, je vous le dis. Et ça fait des années que nous disons ainsi que un continent sérieux qui a des fils dignes ne peut pas tolérer d'avoir en son sein un individu comme M. Ouattara, et qu'il se parle dans le monde et ose parler au nom de l'Afrique. C'est pour ça que les Chinois ne peuvent pas au sérieux. C'est pour ça qu'ailleurs, on nous regarde, on dit. Parce qu'ailleurs, dans les continents sérieux, deux réunions de nuit suffisent. Deux réunions la nuit, et on règle le sort d'un petit criminel comme M. Ouattara. Son sort est réglé. Pourquoi? Il fait honte à un continent. Il fait honte. Donc, enfin, les conditions sont en train de se réunir pour ça. L'Afrique ne sera digne que si elle a son sein des fils qui érigent des lignes rouges à ne pas franchir. Quand ces lignes rouges sont franchies, on fait la réunion la nuit et on règle le compte de cela. On ne peut pas être dans un continent sérieux et avoir en Côte d'Ivoire, à tête de ce pays, un certain Alassane Ouattara. C'est impossible. Donc aujourd'hui, nous considérons, depuis hier, que, et à l'ordre du jour, le renversement de ce criminel. Et si vous le renversez, vous avez fini avec le petit garçon de Paris. Le petit parrain, parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Vous finissez avec Bazoum, vous allez finir avec ces gens-là. Parce que ce sont les chevals de Troie, n'est-ce pas, de l'avancée de ces gens. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, moi, c'est ce que moi je voulais dire. Je ne reviens pas sur la CEDEAO, c'est terminé. Je ne reviens pas sur Ambalo. Sur la table ici, c'est faire trop d'honneur à ce minable que de parler de lui. Vous comprenez ça? Vous me regardez, M. Wafo, je vous dis, c'est fini, c'est fini ça. La période où il se faisait de brandir un titre que je suis président, j'ai été élu, je suis président, je porte les vestes, je porte les trois pièces, comme vous appelez président. On ne peut pas considérer de voir comme ça comme président de l'Afrique. C'est fini ça. Nous avons notre mot à dire. Il y a en Afrique une opinion publique qu'on a construite depuis 10 ans qui pèse. On ne va plus jamais décider de notre sort. Sans que vous et moi, on dit. Oui. Des voyous comme l'Ambalo, comme ça, des trucs comme ça. Cette racaille-là, on ne sait pas où ils sortent là. Okay. Ils ne peuvent plus être appelés président et qui parlent à nous. C'est fini ça. Elle doit être claire. C'est fini. Des trucs comme l'Ambalo, comme ça, les Macky Sall, les Bazoum là. Que la France les transporte et amène là-bas à l'Élysée. S'ils ont des musées pour les garder, parce qu'il y a une espèce à votre disposition pour les garder à l'Élysée, ils les gardent là-bas. On vient d'aller regarder, écoute, il fut une fois en Afrique, il y a eu tel, il y a eu tel. Oui, on peut les regarder. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait la place dans un musée. Parce que c'est une espèce, on ne sait pas où ils sont. Que Macron les ramasse, il la met ça là-bas. Mais nous les Africains, nous savons qui est président chez nous et qui ne l'est pas. Afrique Média. Le monde, c'est nous.